L'actualité à Nancy et ailleurs. La MJC de Saint-Nicolas-de-Port fête ses 60 ans ce samedi 13 septembre avec une grande journée d'animation gratuite à la Villa Malraux. Pour en parler, nous avons au téléphone Catherine Franmoin-Chéry. Bonjour. Bonjour. 60 ans, c'est une belle fête quand même qui se prépare à la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. Oui, alors la MJC a fêté toutes ces décennies, donc on arrive aux 60 ans avec une volonté à la fois de regarder un peu derrière pour se rappeler ce long chemin et puis également de mettre en lumière ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain. Ce sera le samedi 13 septembre, c'est à partir de 9h. Là, comment vous avez imaginé cette journée ? La volonté, c'est d'avoir une journée à la Villa Malraux, le siège de la MJC, où on a un très beau parc, s'il fait beau, qui est accessible à tout le monde gratuitement, que les gens soient adhérents ou pas de la MJC, qui nous connaissent ou qui nous connaissent pas, et surtout qu'il y ait des activités pour tout le monde, quel que soit l'âge ou la sensibilité, parce que la MJC, c'est aussi bien du sport que de la culture, que des actions sociales, donc tout le monde pourra trouver au moins dans la journée une activité, une représentation, un spectacle, une exposition qui lui plaira. Oui, ça va refléter un peu tout ce que vous proposez à la MJC. Vous pouvez donner quelques exemples ? Oui, dès 9h, Stéphanie, notre animatrice de yoga, propose un réveil en yoga dans le parc. Donc, on conseille aux gens de venir dans une tenue confortable avec leur tapis de yoga. À 10h, le cercle de lecture s'ouvre à tous et accueille Denis Bolot pour son livre « Un Gulden au creux de la main ». C'est un livre qui a remporté le deuxième prix au prix Malix, qui est le prix qu'on remet lors de notre salon du livre. À 14h30, la compagnie Le Pays de ma tête propose le tour de chant voyageurs en duo. En fait, c'est un très beau spectacle pour les familles. Vous pouvez venir avec les enfants dès 3 ans et en 7 langues. C'est un petit clin d'œil aussi puisqu'on a un gros secteur apprentissage du français, la MJC. Et puis, on a également Francelise Bourseau qui est notre animatrice pilate, mais qui est un vrai couteau suisse qui se forme à plein de choses. Et elle est formée à la line dance, c'est de la danse en ligne. Elle proposera à toutes les personnes qui le veulent à 15h30 de faire une séance de line dance. Grande soirée musicale le soir des 18h avec du karaoké, du théâtre d'improvisation et puis deux groupes, un big band issu de l'école de musique de Saint-Nicolas-de-Port et les Wild Spirits en concert jusqu'à minuit. J'ai vu aussi qu'il y aura un petit moment fort avec un goûter d'anniversaire et la mise en terre d'une capsule temporelle. On a deux moments un peu plus particuliers. À midi, l'inauguration qui dévoile une exposition. Une exposition rétrospective qui raconte les 60 ans de la MJC. Et effectivement, sur les coups de 16 heures, c'est un anniversaire, donc un goûter anniversaire avec un gâteau offert partagé par tout le monde. Et on invite les gens à nous envoyer jusqu'au 10 septembre une carte anniversaire. Et ce sont toutes ces cartes anniversaires qui vont être réunies dans une capsule temporelle qui sera enfuie dans le parc de la MJC. L'histoire de la MJC est longue, vous la connaissez depuis quelques années, hein, Catherine Franmoin-Chéry. Il y a un temps fort qui vous reviendrait à l'esprit de ce que vous avez pu vivre à la MJC de Saint-Nicolas-de-Port ? Ce qui me revient en tête, c'est Salon du Livre, alors je ne sais plus, je dirais 2016 ou 2017, avec Claude Dubois, l'auteur de Sylvain et Sylvette. Et ça a été une journée de folie. On n'a pas désempli le Salon du Livre. On a dû faire 700 ou 900 visiteurs dans la journée avec une file d'attente pour rencontrer Claude Dubois qui traversait la salle jusqu'aux escaliers. Un beau souvenir, le Salon du Livre qui reviendra le 1er février 2026. Il y a aussi d'autres temps forts. Il y a notamment les Journées du Patrimoine qui approcheront tout de suite après cette journée d'anniversaire. C'est ça. Les Journées du Patrimoine arrivent le week-end d'après, ce qui permet aux gens qui n'auraient pas vu l'exposition rétrospective des 60 ans de venir le samedi, dimanche, du week-end d'après. On doit être le 20-21 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Entre 14h et 18h, la MJC est ouverte. Et ce qu'on conseille aux visiteurs, en fait, c'est d'aller juste avant visiter le Musée français de la brasserie, qui est juste en face, parce que nos histoires sont liées, puisque la villa qui héberge la MJC était au départ la villa d'habitation des patrons de la brasserie. La Villa Malraux, on invite les auditeurs à aller visiter et aller passer un bon moment lors des 60 ans de la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. C'est donc le samedi 13 septembre, c'est à partir de 9h jusqu'à tard dans la journée. Un dernier mot peut-être, Catherine Franmoin-Chéry, sur cette journée ? N'hésitez pas à venir en famille, en plus il y a de quoi se restaurer et se sustenter toute la journée. Merci beaucoup. Merci.